بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Continue inshallah l'explication selon la parole des savants de sourate Yusuf alayhi salatu wassalam. On s'est arrêté lorsque Yusuf alayhi salatu wassalam a mentionné, selon le sens des versets, j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, alayhim salat wa salam. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. طيب يقول يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. J'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah ni au jour dernier et qui m'écroit au jour dernier. تحذير من الشرك. Comme tous les prophètes et les messagers, ici يوسف عليه الصلاة والسلام prévient contre eux ce qu'il y a de plus grave comme péché, ash-shirku billahi azza wa jal, le fait de détourner ton adoration vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prophète est venu avec ça. Tous les prophètes, du premier au dernier, tous les messagers, alayhim salat wa salam, sont venus à l'appel au tawhid et tahdhir min ash-shirk, et de prévenir contre eux le shirk. Et ça, c'est la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les gens de la sunnah, lorsqu'ils appellent à une chose, ils préviennent toujours contre son contraire. Comme on appelle le tawhid, les gens de la sunna appellent le tawhid, ils préviennent contre le shirk, wali'adhu billah. Comme ils appellent à la sunna, ils préviennent contre al-bid'ah. Comme ils appellent à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atullahi azza wa jal, ils préviennent contre al-fusuq, tout ce qui est la perversité, le contraire de l'obéissance, hein, contre toute désobéissance. Et c'est toujours cet équilibre. Comme Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, lorsqu'il parle du paradis, il parle de l'enfer aussi, juste après. Hein? Ça, c'est l'équilibre dans la da'wah. Après, cela dépend de ce que la personne a en face d'elle. Est-ce que les gens qui sont en face de lui sont des gens qui sont corrects dans leur religion, qui font ce qui doit être fait, ou bien ils ont des gens qui sont dans les péchés? Si tu n'as en face de toi que des gens qui sont sur les péchés, sur les grands péchés, alors tu te devras de parler plus de l'enfer que du paradis. Pourquoi? Afin de leur faire peur. Pourquoi? Parce que les gens qui commettent les péchés, c'est ceux qui ont le moins peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu as des gens qui sont sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu te devras de parler plus du paradis que de l'enfer. Pourquoi? Parce que tu as affaire à des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui font le bien, et pour les encourager à faire encore plus de bien, alors leur parler du paradis. Et ça, c'est la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a montré à ses prophètes et à ses messagers, alayhim salat wa salam, comment prêcher et qu'elle doit être équilibrée là-dedans. Thumma qala, dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas. Et ça, ceci est certes un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et sur les gens. C'est quoi ce bienfait? C'est dinul islam, al-islam, cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici Yusuf alayhi salat wa salam, c'est là que tu vois que l'appel au tawhid il est complet, c'est que le fait qu'il soit sur le tawhid, sur cette aqida sahiha, sur cette bonne croyance, sur cette bonne religion, il ne dit pas que cela vient de lui, ou que cela vient de son père ou de son grand-père et ses ascendants. Hein, comme il a nommé ici Ibrahim, wa Ishaq, wa Yaqub, hein, mais cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la religion de mes ancêtres, oui, mais c'est un bienfait qu'Allah nous a donné. Donc il appelle ici encore au tawhid jusqu'au bout. c'est que même si tu es sur la voie du tawhid, comme ton père et ton grand-père et autres, ce n'est qu'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tes ascendants n'ont pu être guidés sur cette voie-là que si Allah tabaraka wa ta'ala les a guidés sur cette voie-là. Donc tout revient à Allah azza wa jal. Walakin akthara an-nas la yashkurun, mais la majorité des gens ne remercient pas. Pourquoi ils ne remercient pas? Parce qu'ils n'adhèrent pas à cette religion du tawhid, cette religion de l'islam, mais ils préfèrent adorer un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala ou adorer un autre qu'Allah azza wa jal, comme les morts ou bien leurs mashaïrs ou bien certaines personnes ou des djinns ou autres. Hein? Ils ont tourné leur adoration vers un autre qu'Allah azza wa jal. ثم قال يا صاحبني السجن, hein, mais vous qui êtes en prison avec moi, puisqu'ici on a vu que Youssouf, ça y est, dans cet épisode-là, il est en prison avec ces deux jeunes valets qui sont présents, qui ont été jetés en prison et qui sont dans la même cellule que lui. Or, eux deux ont fait un rêve et ont demandé à Youssouf, alayhi salat wa salam, qui détient cette science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur expliquer ces rêves-là. Or, Youssouf, alayhi salat wa salam, il sait ici qu'ils sont dans l'attente de quelque chose venant de lui, qui est d'expliquer ce rêve-là. Donc ces gens-là qui sont en attente pour l'instant, hein, on va dire que eux dépendent de Youssouf ici, dans cette circonstance. Alors il en profite, là il a l'attention de ces deux personnes-là. Et ça rentre dans la manière de faire da'wah. Il a attiré l'attention de ces deux personnes-là. Donc il a leur cœur. Et maintenant il peut mettre ce qu'il veut, bi'idhnillahi ta'ala, dans ce cœur-là. Celui qui fait de da'wah, il doit préparer les cœurs avant de mettre quoi que ce soit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid pendant 13 ans. 10 ans à la Mecque et 3 ans à Médine. Pourquoi? Parce que at-tasfiya wa tarbiya, il fallait d'abord débarrasser les cœurs qui étaient remplis de shirk, les vider de ce qui est mauvais pour remplacer par ce qui est bon. Hein? Quand un récipient, il détient quelque chose de sale dedans, on rince d'abord, on enlève ce qui est mauvais. On ne met pas notre nourriture dans un récipient qui est sale. On ne met pas notre eau dans un récipient qui comporte, dans un verre qui comporte une saleté, une impureté, ou même quelque chose de pur comme de la terre. On est obligé d'enlever tout, et après, on met notre nourriture ou notre boisson. Il n'y a personne d'entre nous qui fait le contraire. Donc, on se doit d'abord de purifier, après, on peut remplir avec la vérité. Celui qui fait da'wah, que ce soit « wa kun da'iyan », après appel, il soit un prêcheur en toutes circonstances. Il n'y a pas que celui qui est à la mosquée, responsable de la mosquée, qui fait da'wah. Chacun d'entre nous fait da'wah sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il sait, avec certitude, avec ilm, wa bin maw'idatil hasana, avec une bonne exhortation, avec des bons comportements, chez lui, avec son père et sa mère, avec ses frères et sœurs de sang, qu'il soit au travail, qu'il soit au marché, partout où il est, il fait da'wah. Même s'il ne parle pas, bil akhlaq wal adab, par les bons comportements, il fait da'wah. Il montre c'est quoi l'islam par son comportement. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir parler. Certains ont la parole facile, hein, certains n'arrivent pas à parler ou ont du mal à parler. Celui qui avait une difficulté dans la parole, c'était Moussa alayhi salat wa salam. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à Pharaon, il a demandé comme appui son frère Haroun alayhi salat wa salam. Donc, chacun se doit de devenir prêcheur à la manière qu'il peut et selon le niveau qu'il peut. Selon le niveau qu'il peut. Mais à condition de bien connaître toutes ces conditions. Comment est-ce qu'on fait da'wah? Comment est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on appelle qu'on doit appeler les gens à ce qu'il y a de plus important? Et on doit interdire chez les gens ce qu'ils ont de plus, le mal le plus haut qu'ils ont chez eux. Et tout ceci accompagné d'un bon comportement. Tayyib. Arbabun mutafarriqun. Tayyib. Hein? Ce que vous adorez en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne repose sur rien. Il n'a pas ces qualités qui sont parfaites. Tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une chose ou une personne, quoi que ce soit, qui est adorée en dehors d'Allah sans qu'elle ne détienne un défaut. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Allah azza wa jal, il est al-khaliq, il est créateur et sa création est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hakim, huwa al-aziz, al-rahman, al-rahim, al-malik, al-wahhab. Tous ces noms-là d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaits. Alors que ce qui est adoré en dehors d'Allah détient quoi? Détient un manquement. Forcément un manquement. Tu adores un homme, cet homme-là, il mange et il boit. Et il a besoin de dormir, sinon il meurt. Cet homme-là, il tombe malade. Cet homme-là, il a un début et il a une fin. Toute chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, a un manquement. Et qu'est-ce qu'on fait les gens? Donner un nom à ces choses-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, bilisan Yusuf alayhi salatu wa salam, ma ta'abuduna min dunihi illa asma'an. Vous n'adorez que des noms que vous avez donnés, vous et vos ancêtres, à ces fausses divinités. Ce ne sont que des noms. Al-Hajar, al-Hajar. Une pierre, c'est une pierre. C'est vous qui lui avez donné un nom et c'est vous qui lui avez inventé des sifats, alors qu'elle n'en a pas. Cette pierre-là, ni elle ne parle, ni elle peut te donner quelque chose, ni elle ne peut tenir quelque chose, rien. C'est vous qui lui avez donné un nom. Vous et vos ancêtres, vous lui avez donné un nom à cette pierre, à cet arbre, à telle personne ou à telle chose. Vous avez donné un nom à ça, vous lui avez attribué des sifats qu'elle n'a pas. Et vous l'adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tahdhir min ash-shirk. Ici, Yusuf alayhi salatu wassalam vient détruire le shirk qu'il y a dans leur cœur. Ma anzal Allah biha min sultan. Ces noms-là que vous avez donnés et que vous adorez en dehors d'Allah, vous et vos ancêtres, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a révélé aucune preuve. Ça, c'est la da'wa d'Allah. C'est que la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est à la basira. Elle est avec l'adillah, avec des preuves. Et combien on entend de personnes qui disent, oui, mais vous, toujours des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui-même le dit, sur laquelle vous, Allah azzawajal, n'a descendu aucune preuve. Ce qui signifie qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a appelé au tawhid, et lorsqu'il a contredit shirk billahi azzawajal, qu'il a prévenu contre le shirk, lorsqu'il a appelé à la sunna, et qu'il a voulu prévenir contre la bid'a, quand il a appelé à l'obéissance, et qu'il a prévenu contre la désobéissance, il l'a toujours fait Allah subhanahu wa ta'ala, bid-dalil, bil-kitabi wa sunna, bi-kalamihi subhanahu wa ta'ala. Ce n'est que la da'wa d'Allah azza wa jal. Les gens de la sunna n'ont rien inventé. Ils le tiennent des savants avant eux, des savants avant eux, qui eux les détiennent des savants avant eux, jusqu'à al-tabi'in wa al-tabi'at-tabi'in wa al-sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Et qui eux-mêmes le tiennent de qui? Du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ad-dalil. Une preuve. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inni nabi sallallahu alayhi wasallam ud'u ila Allah ala basira. Allah lui-même dit à son prophète sallallahu alayhi wasallam d'appeler les gens au tawhid, ud'u ila men? Ila Allah. Appelle à qui? À Allah. À l'unicité d'Allah. Al-imanu billah. Ala basira. Avec clairvoyance, c'est-à-dire bid-dalil, bi-ilm, bil-kitab et wa-sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ordonne son prophète d'appeler les gens avec des preuves. Or aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui viennent parler sans preuve. Et lorsque tu demandes la preuve, subhanallah, on dirait que c'est toi qui n'es pas correct. Si tu me dis que c'est dans la religion, ramène-moi une preuve. Si c'est dans la religion, akmaltu lakum dinakum. Allah Azza wa Jalla a dit, j'ai parachevé votre religion. Donc c'est forcément dans le Coran et dans la Sunna, si tu me ramènes ça. S'il n'y a pas de preuve, on ne prend pas. Et certaines personnes à qui tu vas dire ce que vous dites, ou ce que vous faites, ou ce que vous croyez, c'est une bid'a, c'est une innovation. Ils vont te dire, ramène-moi la preuve que c'est une bid'a. Ce n'est pas à moi de te ramener la preuve. C'est à toi de me ramener la preuve que c'est bien une adoration. C'est à toi de me ramener la preuve qu'on a le droit de dire ce que tu dis sur la religion d'Allah. C'est à toi de me ramener la preuve qu'on a le droit de faire ce que tu fais dans la religion d'Allah. C'est à toi de me ramener la preuve qu'on a le droit de croire, que l'on peut croire ce que tu veux nous faire croire dans la religion d'Allah. C'est pas à moi de ramener une preuve. S'il y a une preuve, c'est dans le Coran et la Sunna. Toi, tu me dis que c'est dans la religion. Si c'est dans la religion, c'est qu'il y a un texte coranique, un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. Bifam salaf. À la meilleure des compréhensions, la compréhension des salaf al-salah, des pieux prédécesseurs, sahaba radiallahu anhum, wa tabi'in wa tabi'a tabi'in. Wa min kalam al-ulama. Ainsi que la parole des savants. Rien n'est inventé. Allah Azza wa Jalla a tout légiféré ce qui devait être légiféré. On n'a rien à rajouter, on n'a rien à enlever, on n'a rien à transformer. Cet islam, c'est une religion pure et simple. Ce ne sont que les gens qui viennent la transformer pour certains profits. Certains pour l'argent, certains pour avoir la chaise, certains pour avoir le mimbar, certains pour le mariage, certains... Il a khiri. Alors que nous, on ne cherche que Wajallahi Azza wa Jal, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Ala al-kitabi wa sunnah. Bifam salaf al-umma. Une religion simple. Ce ne sont que les gens qui ont fait alourdir les choses. Et voilà pourquoi tu trouves certaines personnes qui disent, mais c'est trop. Il y a ça, il y a ça, il y a... Non, non. Il n'y a pas grand-chose. Seulement, les gens ont transformé cette religion. Ils veulent la transformer alors qu'elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Lève-toi un petit peu. Thumma qal, inni al-hukmu illa lillah. Et certes, le jugement n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les règles de cette religion n'appartiennent qu'à Allah azza wa jal. Que ces lois religieuses, seul Allah tabaraka wa ta'ala les a établies. Voilà, on a dit comme les Khawarij qui ont dit à Ali ibn Abi Talib, toi tu juges avec autre qu'Allah, alors qu'Allah azza wa jalla dit, inna al-hukma illa lillah, alors que le jugement n'appartient qu'à Allah. Alors Ali ibn Abi Talib, il a posé un mushaf comme ça. Il a pris un bâton, il a tapé sur le mushaf, il a dit « Uhkum baynana, uhkum baynana ». Vas-y, juge entre nous, juge entre nous. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont reproché? Ils lui ont dit « Toi, tu donnes le jugement à un autre qu'Allah. » Hein? Alors que le jugement n'appartient qu'à Allah. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a défendu Ali ibn Abi Talib, hein, lorsqu'il est venu les voir, on a déjà parlé de cet épisode, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Est-ce que lorsque l'homme et son épouse ont un différend dans leur mariage, durant leur relation, est-ce qu'Allah Azzawajal n'a-t-il pas dit de prendre deux personnes de l'époux et deux personnes de l'épouse qui vont juger entre les deux? Et si le jugement a bien été donné, Allah Azzawajal a bien donné le jugement à d'autres que lui, à ses créatures. Et on sait qu'il y a Al-Qadi, le juge musulman, qui est là pour juger entre deux personnes. Cette histoire entre un juge et un savant, où une femme est venue, ils étaient en train de discuter, ils se connaissaient bien, et il y a une femme qui est venue en pleurant. Et elle s'est plainte, jusqu'à ce qu'elle a pleuré. Et le savant, il lui a donné raison. Et le qadi, il l'a regardé comme ça, il lui a dit, ne lis-tu pas le livre d'Allah? Après, il lui a dit, bien sûr que si. Il le sait très bien qu'il le lit. Il dit, pourquoi? Il a dit, tu t'es laissé bluffer par ses pleurs, comme Yaqub, avec les pleurs des frères de Youssouf. Quand ils sont venus, soi-disant en pleurant, oui, notre petit frère, il est mort, alors que c'est eux qui l'ont jeté dans le puits. Car le juge, il sait très bien qu'il faut prendre les deux avis. Elle, c'est vrai, elle est là et elle pleure, mais allons voir qu'est-ce que dit son mari. Il en est de même pour Dawoud, alayhi salat wa salam, et pour défendre les prophètes, car c'est le devoir de chaque musulman que de défendre les prophètes. Il y a une histoire parmi l'Israéliyat, les histoires que les Bani Israël ont rapportées, et sur ces histoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné yani ce qui est véridique, conforme au Coran et à la Sunna, on le prend. Selon leurs histoires, si c'est conforme au Coran et à la Sunna, on le prend. Si ça contredit le Coran et la Sunna, on ne les prend pas. Et si on ne trouve rien, ni on dit que c'est vrai, ni on dit que c'est faux. Or, il y a une de ces histoires qui dit comme quoi Dawoud, alayhi salatu wassalam, qui avait 99 femmes, aurait voulu une centième femme. Et il a vu cette femme-là qui était très très belle, seulement elle était mariée avec un des soldats de son armée. Alors pour avoir cette femme-là, il aurait envoyé cet homme-là sur le front pour qu'il se fasse tuer, pour récupérer l'épouse et se marier avec elle. Kazib. Ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dawoud. Ou al Rasoul. Alayhi salat wa salam. C'est un prophète, il est dépourvu de ces choses-là. Al-Ma'soum an asam Allah. Les prophètes sont dépourvus des grands péchés. Allah tabaraka wa ta'ala les a protégés là-dessus. Seulement, certains qui vont encore plus loin ramènent cette histoire qui est venue avec Dawoud alayhi salatu wassalam que l'on trouve dans le Coran. Lorsque deux frères arrivent directement sur le lieu de prière de Dawoud, ils arrivent et lui il est surpris. Et l'un d'entre eux lui dit « N'aie pas peur ». Après il lui dit « Vous êtes venu pourquoi ?» Il a dit « On veut que tu juges entre nous deux. Mon frère il a 99 brebis ou moutons et moi j'en ai une et il veut me la prendre. » Si tu lis ça, ça rejoint cette histoire que l'on a nommée juste avant. Ça te rappelle la même histoire. 99 femmes, l'autre il n'en a qu'une et il veut lui prendre. Donc certains diraient, ben, vous voyez que c'est vrai. Surtout qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a fait Dawoud alayhi salatu wassalam ? Il s'est prosterné et a demandé pardon. Donc là, tout coïncide. Seulement cette histoire de Bani Israël, elle ne peut pas être vraie. Un prophète d'Allah, il n'aurait pas pu faire une chose comme ça. Donc il y a forcément une réponse. Comme il l'a ramené sur l'Athimia, rahimallahu ta'ala, l'une des réponses, si on lit le récit, c'est qu'il a entendu un seul avis, l'avis de celui qui détient une brebis ou un mouton. Il n'est pas mentionné qu'il a écouté le deuxième avis. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il se serait prosterné et demandé pardon, pour ne pas avoir demandé le deuxième avis. Pour avoir jugé sans avoir demandez le deuxième avis. L'une des autres réponses, c'est qu'il aurait jugé un moment alors qu'il est en état de quoi ? Al-khawf, de peur. La peur, la preuve, c'est qu'ils l'ont surpris. Jusqu'à ce que l'un des deux lui a dit, n'aie pas peur, Dawoud. Or, il n'appartient pas à un juge de juger en état de peur ni en état de colère. Hein ? Car le juge, c'est une grande responsabilité. Même s'il existe des juges corrompus, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur trois juges, deux en enfer et un au paradis. Comme il le disait aussi sur Al-Haydan, hafidhahullah ta'ala, qui avait cette place de grand juge, il disait, Wallahi, il n'y a pas un juge que j'ai vu qui a été corrompu sans qu'il ait mal fini dans cette dunya. Min Allah jalla wa ala. Tayyib. ثم قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين الدين القيم puis Allah عز وجل a ordonné de ne pas adorer un autre avec lui et ceci est la juste religion ولكن أكثر الناس لا يعلمون mais la majorité des gens ne savent pas c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi لا يفرق بين الشرك والتوحيد. La preuve c'est que l'on trouve des musulmans qui font du shirk billahi azza wa jal. الشرك الأكبر والصغير. Même le shirk الأكبر. رد على الصوفية أحد من الصوفية qui a osé dire c'est impossible qu'il y ait الشرك الأكبر في هذه الأمة. Ceci est faux. Il y a الشرك الأكبر. On trouve malheureusement parmi des musulmans qui adorent des morts, qui leur égorgent des bêtes, qui leur font des du'as, qui les invoquent. Al-Amwat, sur des morts. On trouve des musulmans qui invoquent des djinns. Qui invoquent des djinns et qui ont peur des djinns plus que ce qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu lui dis Ismullahi azza wa jal, il y a quelque chose mais sans plus. Si tu lui dis le nom d'un djinn qu'il connaît, khawf. Juste que prenons le mot djinn, yakhaf. Sa peur envers les shayatin, elle est plus forte que la peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. الشرك في الخوف. Jusqu'à ce qu'il en arrive à délaisser l'adoration d'Allah azza wa jal et de la tourner vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Puis Yusuf, alayhi salatu wa salam, a mentionné Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah, Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Puis là, il s'adresse à eux directement en disant, selon le sens des versets, ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa terre. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Ce qui signifie que l'un d'entre eux sera libéré, puisqu'il servira du vin à son maître. Il sera libéré. Quant à l'autre, les oiseaux mangeront de sa tête, c'est-à-dire qu'il sera crucifié, donc il sera condamné, il ne sortira pas, il sera crucifié, et les oiseaux, pendant qu'il sera crucifié, viendront et picoreront sa tête jusqu'à manger, ouvrir sa tête et manger sa cervelle. Wali'adhu billah. Youssouf a mentionné l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Qudi al-amru alladhi fihi. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان sur lequel vous m'avez demandé et que je vous ai fait l'interprétation, c'est déjà écrit. Allah tabaraka wa ta'ala 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre avait déjà décidé chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala connaissait les choses, connaît les choses avant même de les avoir créées. Ilmullahi jalla wa ala. Ça c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui serait sauvé entre les deux, Youssouf lui a dit, il a dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Youssouf à son maître. Youssouf resta donc en prison quelques années. Bid'a sinin, c'est un nombre entre 3 et 9. On dit selon le Mufassirin qu'il serait resté 7 ans. 7 ans en prison. 7 ans en prison. Hikmatun min Allah jalla wa ala. S'il a resté 7 ans en prison, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'avait décidé ainsi. Il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide. Dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide, il y a certes une sagesse. Or, on ne sait pas. Et Allah Azza wa Jalla, lui sait. Et le diable l'a fait oublier. Pourquoi? Parce que Shaitan lui-même, cela ne l'arrange pas que Youssouf alayhi salat wa salam, qu'un prophète sorte de cet endroit-là et qu'il propage sa da'wah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala connaît le shaitan mieux que n'importe qui puisqu'il l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le shaitan mieux que n'importe qui. Le diable lui croit avoir fait quelque chose qui est correct et qui est bien, non pas vis-à-vis d'Allah mais pour lui et ses affaires, en faisant oublier, en faisant tout pour que le servant qui est sorti oublie de rappeler à son roi l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Mais cela même fait partie, cette chose-là même, le fait que Shaitan le fasse oublier, ça fait partie des plans qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Comme Allah azza wa jalla a mentionné, ils veulent éteindre la lumière d'Allah, mais ils n'y arriveront pas. Vous croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas ce que vous faites? Vous croyez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le stratagème que vous mettez en place, est inconnu d'Allah azza wa jalla? Alors qu'il vous a créé vous, est-ce que vous faites? Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit en Coran, nous vous avons créé vous et ce que vous faites? Que ce soit du bien ou du mal, nous vous avons créé vous et ce que vous faites. C'est-à-dire même ce que vous mettez contre cette religion, contre ce prophète, alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala vous a créé vous, qu'il le fait, et même ce que vous faites, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé. Ce n'est pas tout ce qu'Allah Azza wa Jalla crée qu'il aime. Ce n'est pas tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il aime. Donc ils croivent ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui peut ruser avec son créateur? Personne. Rien n'est à l'abri d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala connaît toute chose. Tout stratagème qui est fait contre lui et qu'il ne lui portera jamais atteinte, ou contre l'un de ses prophètes ou un de ses alliés, Allah tabaraka wa ta'ala le savait même avant la création des cieux et de la terre, et même avant la création de celui qui a fait cette chose-là. Donc Shaitan, lui, croit qu'il fait quelque chose qui est bien. Mais en vérité, cela rentre dans le plan qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété pour pour Youssouf. Donc cela ne change rien. C'est le qadar, c'est le destin qu'Allah Azza wa Jalla a décidé. Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît mieux que quiconque la hikma que Youssouf sorte à tel moment. Ni avant, ni après. Ni avant, ni après. Puis vient l'histoire du roi qui raconte, qui réunit les gens et qui leur dit quoi. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve sept vaches grasses mangées par sept maigres. Hein, donc ce sont sept vaches qui sont maigres, qui mangent les sept grosses. Et sept épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. Ici, on a la preuve que les rois sont toujours entourés de shura, des gens de shura, c'est-à-dire des gens, hein, des nobles, hein, ou des gens qui sont doués d'intelligence, des raisons, qui sont là pour conseiller le roi. C'est ce qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était entouré de Abu Bakr wa Omar, et d'autres sahaba comme Uthman wa Ali, ومن العلماء qui eux sont même des savants eux-mêmes. كذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم. Tous les rois ont cette assemblée autour d'eux envers qui ils demandent des conseils, mais bien sûr la décision finale c'est le roi qui la détient selon les informations qu'il reçoit. C'est pour ça qu'on trouve toujours dans ce genre d'assises, il y en a toujours un qui essaye d'induire en erreur le roi. Pourquoi ? Parce qu'il lui veut du mal. Donc il a raconté ce rêve-là. Ils dirent, c'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. Ils n'ont pas cette science qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée à Youssouf alayhi salat wa salam. Or ici, ils sont incapables de dire quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Pour que tout revienne à Youssouf alayhi salat wa salam. Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il décrète, tu retrouves toujours que toutes les issues vers le batil vont être coupées pour qu'il reste une seule issue qui mène ila al-haq, qui mène à la vérité. Toutes les issues qui mènent au faux vont être bloquées pour que la personne elle ne trouve qu'un seul chemin à la fin. Qu'elle le prenne ou qu'elle ne le prenne pas. Mais il n'y aura qu'un seul chemin devant elle. C'est le chemin de la vérité. كذلك الكافر في الابتلاء. Quand un kafir il est dans l'ibtila, il est dans les épreuves. Il ne trouve plus de solution. Allah tabaraka wa ta'ala va lui permettre de trouver la solution. Qui est quoi ? De se retourner envers Allah azza wa jal. Parce qu'il n'y a plus de solution. Il s'est tourné vers ceux qui croyaient ses amis, il n'y a plus d'amis. Il s'est tourné vers ceux qu'il pensait qui avaient la vérité et qui détenaient la vérité. Il s'est aperçu qu'ils sont dans le faux. Jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien, mais qu'une seule issue. De lever sa tête et d'invoquer Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même dans le Coran, lorsqu'il a mentionné que les gens sont pris dans une tempête, jusqu'à ce qu'ils se mettent, à cause de ça, de cette peur-là, à invoquer Allah Azza wa Jal d'un culte exclusif. Et là, lui demander le secours. Pourquoi ? Parce que ça y est, il n'y a plus de solution. On ne peut rien faire. Alors ils se tournent vers Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah azza wa jal les sauve et les ramène sur le bord de la mer et très peu d'entre eux sont reconnaissants. Hadith tariqa. Allah tabaraka wa ta'ala fait en sorte que le faux tombe et qu'après il n'y ait plus aucun doute que la vérité c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé avec tous les prophètes. Regarde Pharaon avec Moussa alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'au bout a montré que c'est bien le tawhid qui l'emporterait. C'est bien la religion de Moussa alayhi salatu wa salam qui l'emporterait. Alors que les signes ont été donnés à Pharaon. À chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose, ça s'est retourné contre lui. Mais il n'a pas compris. Il ne voulait pas comprendre alors qu'il savait la vérité. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala va rendre à néant ces gens-là dans l'interprétation du rêve. Car aucun d'entre eux n'est capable de le faire. Ce qui prouve qu'il a donné cette science-là à Youssouf alayhi salatu wassalam, qu'il n'a pas donné à un autre. Or celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » C'est-à-dire envoyez-moi chercher celui qui détient l'interprétation. Ça y est, là il s'est souvenu de Youssouf alayhi salatu wassalam. Puis on envoie Youssouf, alayhi salatu wassalam, et on lui dit, ô toi Youssouf le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses qui mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Donc ce jeune homme-là qui connaît Youssouf alayhi salatu wassalam retourne voir Youssouf et lui propose le rêve. Et Youssouf alayhi salatu wassalam va lui expliquer ce rêve-là. وقال يوسف أيها الصديق أو توا يوسف le véridique. Pourquoi le véridique? Quand on appelle quelqu'un صديق, c'est quelqu'un qui est véridique dans tout, dans ses paroles, dans son comportement, dans sa manière d'être, dans tout. Il est véridique dans tout. صديق comme Abu Bakr صديق, parce qu'il était véridique dans tout. Il disait les choses comme elles sont, sincèrement, il disait vraiment ce qu'il croyait, il ne cachait rien. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام كثير الصدق, c'est-à-dire qu'il avait في أقواله وأفعاله, dans tout ce qu'il disait et dans tout ce qu'il faisait, il était véridique عليه الصلاة والسلام. Il n'y avait pas de tromperie, il n'y avait pas de mensonge, rien. C'est un prophète d'Allah سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. Puis يوسف عليه الصلاة والسلام va lui expliquer. Puis il lui dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, c'est-à-dire de famine, qui consommeront tout ce que vous avez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie, et ils iront au pressoir. Ici, Youssouf alayhi salatu wassalam a expliqué, venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, car sans Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourrait donner l'interprétation. Ici, Youssouf alayhi salatu wassalam lui donne l'interprétation. Puis le roi a dit, amenez-le moi. Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Youssouf dit alayhi salatu wassalam, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon seigneur connaît bien leur ruse. Alors le roi leur dit, qu'est-ce que donc qui vous a poussé à essayer de séduire Youssouf? Puis elles dirent, Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme de l'Aziz a dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très initiatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Puis le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui parlait, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous et en une position d'autorité et de confiance. Et Youssouf dit, alayhi salatu wassalam, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi, nous avons affermi l'autorité de Youssouf dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes le bien, le mérite de leurs œuvres. Aux hommes de bien, le mérite de leurs œuvres. طيب. طيب قال يوسف عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك. الرب في هذه الآية يعني العزيز يعني quand il lui a dit retourne auprès de ton maître, il ne s'agit pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on appelle cette Rabbul Bayt. Quand on dit Rabbul Bayt, le seigneur de la maison, c'est-à-dire le maître de maison. Hein, celui qui détient l'autorité dans cette maison. Aina Rabbul Bayt. Hein, lorsqu'on rentre dans une maison, on dit Aina Rabbul Bayt. Où est le maître de maison? Ici, Rab, ce n'est pas le même la même sifat que Rab, يعني Rab al-alamin, والله سبحانه وتعالى. Donc lorsqu'il lui dit irji ila rabbik, retourne vers ton maître, c'est-à-dire vers son maître de maison, il ne parle pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et demande-lui par rapport à ces femmes-là, pourquoi est-ce qu'elles se sont coupées les mains. Donc le roi ici va demander aux femmes qui étaient présentes, et cette première femme qui a cherché à séduire Youssouf, alayhi salatu wassalam, ainsi que les femmes qui sont venues, que cette même femme a ramené chez elle, hein, avec cet épisode que l'on a vu, où elles ont commencé à se couper les mains, tellement elles ont été éblouies par la beauté de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Et elle-même, qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a reconnu son erreur. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Encore une fois, الصدق. Pour la deuxième fois, Allah تبارك وتعالى في هذه الآية donne comme صفات à Yusuf عليه الصلاة والسلام الصدق. Le fait qu'il est véridique. Hein? Par la bouche de cette même femme qui a voulu le séduire. Cette femme-là qui a été dans l'erreur reconnaît son erreur, reconnaît la véracité et le fait qu'il soit véridique. Yusuf alayhi salatu wassalam. Alors que jusqu'au bout, elle aurait pu dire, c'est pas moi, c'est lui. Jusqu'au bout, elle aurait pu dire, c'est pas moi, c'est lui. Mais comme on a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, veille sur son prophète et fait en sorte que la vérité, elle sorte jusqu'au bout. Tu pourras toujours cacher aux gens, mais Allah azza wa jal, tu ne peux pas lui cacher quoi que ce soit. Hein, comme c'est mentionné dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui trompe les gens, un jour ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala le sortira du fin fond de chez lui, pour le montrer aux gens. Tu peux ruser les gens longtemps, mais un jour ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala, étant donné que tu fais partie des gens du batl, des gens du faux, un jour ou l'autre, Allah azza wa jal te sortira devant les gens et te dénoncera devant les gens. Quoi qu'il arrive, comme cela est arrivé à tous ceux d'avant qui ont essayé de tromper les croyants, mais Allah tabaraka wa ta'ala les a révélés. Et cette femme-là est revenue envers Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'elle reconnaisse qu'Allah azza wa jal ne guide pas les gens qui ne sont pas sur une voie droite, qui ne sont pas corrects, les gens qui veulent ruser. Allah tabaraka wa ta'ala est ruseur avec les rusés. Cette sifa de ruse, on ne peut pas l'attribuer à Allah azza wa jal tout le temps. Est-ce qu'Allah azza wa jal est rusé avec les croyants? Non. Il est rusé avec les ruseurs, il est traître avec les traîtres. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, est parfait dans ses noms et ses attributs. Même si on lui accorde cette sifa, cet attribut qui est la ruse et la traîtrise, lui, c'est d'une manière parfaite. Alors que les gens, cette sifa, si tu la donnes aux gens, c'est un manquement. C'est quelque chose qui ramène un manquement, qui ramène un mal. Alors qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette sifa est parfaite. Allah azza wa jal, cette règle-là, il faut la retenir, est parfait dans ses noms et ses attributs. وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Et rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit qu'Allah azza wa jal s'étonne, Allah azza wa jal s'étonne-t-il comme nous on s'étonne? Jamais. L'étonnement chez nous marquerait quoi? Une imperfection. Tu t'étonnes, ça veut dire que tu ne sais pas. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dénué d'imperfection. هذه المعنى سبحان الله. Le معنى سبحان الله c'est quoi? C'est qu'Allah azza wa jal est dénué de toute imperfection. Donc ces attributs qui, chez ces créatures, marquent une imperfection, marquent chez Allah subhanahu wa ta'ala la perfection. Mathalan al-kibr, l'orgueil. L'orgueil chez une personne de chez nous, c'est un défaut, c'est pas une qualité. Alors qu'auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une sifa, c'est un attribut parfait. Et seul Allah azza wa jal détient cet attribut qui est l'orgueil. Et cette femme-là a reconnu quoi? Il y a une chose qu'elle, c'est pas qu'elle la reconnaît pas, mais dans laquelle elle trouve comme une excuse. C'est que la nefs, c'est la nefs. Et que la nefs ne répond, ordonne au mal. La nefs veut ordonner le mal. Le ulama, les savants mentionnaient, la nefs, elle se divise en deux. Il y a la nefs qui est éduquée et que tu éduques. Qui est éduquée. Tu l'as tellement éduquée là-dessus que elle t'ordonne cette chose-là. Elle t'ordonne le bien. Il y a la nefs, la partie de la nefs que tu veux, que tu n'as pas encore éduqué et qui ramène des manquements chez toi, des vices, ce qui te fait tomber dans les péchés. C'est cette partie de la nefs qu'il va falloir éduquer. Quand on est djihad nefs, hein, te combattre toi-même sur tes pulsions ou tes passions. C'est cette partie-là de la nefs. Or, il y a une partie de la nefs qui te pousse au bien, comme venir faire la prière, faire tes 5 prières. Ça y est, tu t'es éduqué là-dessus. Tu t'es tellement éduqué là-dessus que tu n'as plus besoin de te combattre pour faire ça. C'est naturel pour toi. Hein? Ce qui est une adoration est devenu pour toi une tradition, une habitude. Pourquoi? Parce que ça y est, tu as éduqué ta nefs là-dessus. Mais il y a l'autre partie, celle qui pousse au péché, celle qui pousse à désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, celle-là, tu te dois de l'éduquer. Et c'est ce qu'a mentionné cette femme-là, hein, lorsqu'elle a bien mentionné que la nefs pousse au mal. Illa ma rahima rabbi. Sauf qui? Sauf celui à qui Allah azawajal a fait miséricorde. Avec Allah, si Allah facilite une chose, alors la chose est facile. Une chose compliquée, Allah azawajal peut la faciliter. Comme une chose facile, Allah azawajal peut la compliquer pour la personne. Hein? Mais cette religion, elle est facile. Allah azawajal a voulu la faciliter. Allah azawajal lui-même a promis, après la difficulté, vient, lui sera la facilité. Après la difficulté, vient la facilité. Les choses sont simples. Si Allah tabaraka wa ta'ala te facilite dans toute chose, wallahi, tu auras la facilité. Mais c'est toi et ta foi, wa tawakkul 'ala Allah azawajal, toi et ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne a confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, ne croyez pas que les prophètes n'avaient pas confiance en Allah. S'il leur arrivait des choses comme ça, c'est parce que leur confiance en Allah, elle était très forte. Pour que la mer elle s'ouvre en deux devant Moussa alayhi salatu wassalam, c'est qu'il avait vraiment tawakkul 'ala Allah azza wa jal. Est-ce que Moussa arrivait là au niveau de la mer, il a dit, bah ça y est, c'est fini. Là, il sait très bien que son Seigneur va le sortir de là. Comment? Il ne le sait pas encore. Parce qu'il ne connaît pas l'invisible. Mais il est certain et il est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter et lui trouver une sortie par là où il ne s'y attend pas. Bishart at-taqwa. Mais avec une condition. Taqwa Allah azza wa jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux qu'Allah te facilite dans tes affaires? تتوكل على الله جل وعلا والدعاء والاستقامة والاستغفار والتوبة. La droiture, sois droit, crains Allah subhanahu wa ta'ala, demande le pardon de tes péchés, repens-toi de tes péchés, fais des efforts, ne t'inquiète pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Tu crois qu'Allah azza wa jalla va laisser son serviteur comme ça? المسلم والمؤمن عظيم عند الله جل وعلا. Le croyant, il est sacré auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla aime le croyant. Allah Azza wa Jalla aime lorsque son croyant lui demande pardon, lorsqu'il décide de se repentir, lorsqu'il décide de se mettre sur la droiture. Et tu crois qu'il va te laisser comme ça? Là. Là, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla aime les croyants et il leur facilite. Mais après, c'est est-ce que le croyant lui a confiance en son Seigneur envers Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Rabbi Ghafurun Rahim. Allah Azza wa Jalla est celui qui pardonne les péchés, hein, et il est miséricordieux en acceptant le repentir des péchés. On va s'arrêter là, inshallah, pour cette partie. On continuera plus tard, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Barakallahu li wa lakum.